Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de La Cellule. Aujourd'hui sur Sens avec Adrien. Bonjour, bonjour. De Lyon, ça va Adrien, la patate, la pêche? Ouais, très bien, très bien. Ça, c'était pas trop long, Lyon, Saint-Malo, tout ça? Un peu chiant. Non, ouais, bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va essayer de faire du 2 en 1, tu vas voir. Flavie est avec nous. Bonjour. Flavie de la pêche. Aloïs. Bonjour. Qui nous vient de Nantes. Et puis, une petite nouvelle, Emmanuel. Salut Emmanuel, ça va? Bonjour, ça va, ouais. Donc toi, tu maîtrises à Nantes et à Rennes aussi, c'est ça? Pour le moment, surtout à Rennes, à Nantes, c'est prévu, mais et pas tout. Et t'as plein de tables, partout. Hein, plein. C'est génial. Ça, c'est le maître de jeu, super. Comme et Adrien. C'est une de mes joueuses. Ah, Lyon. Ouais, exact. C'est toi qui l'as formé, entre guillemets. C'est bien. Non, tu l'as formé aussi avant. Je suis une disciple à 2 mètres. Aujourd'hui, on va parler... Oh oui, maître. Lequel va-t-elle choisir? Aujourd'hui, on va parler de sens mort, parce que c'est vrai que la saison dernière, on a vraiment énormément parlé de sens renaissance. Là, on a décidé de faire des podcasts un peu plus thématiques cette année sur sens mort. Alors, on a commencé par les fragments. Alors, on ne sait pas vraiment s'il va faire une partie ou 2 parties ce podcast, si on va le diviser ou pas. Donc on va voir en fonction de ce qu'on a dit, on va les passer en revue, on va voir un petit peu quels sont les enjeux majeurs de ces fragments, qu'est-ce qu'il y a à découvrir pour les PJ, comment est-ce que vous, en tant que maître de jeu autour de cette table, vous les avez traités, les problématiques que vous avez abordées dans le contexte de ces fragments, une vision même générale de Séléné, donc le contexte de Sens Mort. Parce que c'est vrai qu'on peut rappeler ça déjà, c'est que Sens Mort ne se passe plus sur Terre. Hein, il se passe sur la Lune. Et ouais. Donc la Lune est organisée en différents fragments. Peut-être déjà là, commencer à parler de ça. J'ai direct une petite question. Ouais, Adrien. Est-ce que ce que l'on va aborder sera accessible aux joueurs ou seulement aux MJ? J'en sais rien du tout. Je peux pas te dire, ça va défendre. Moi, je dirais plutôt MJ, mais. Ouais, je sais pas comment la. Je suis là à penser aux spoilers. De toute façon, je sais pas comment la conversation. De toute façon, je pense que ce qui se passe en général, c'est notamment Shadow qui me disait ça, c'est que lui, en tant que maître de jeu, il écoute le podcast. S'il voit qu'il n'y a pas de spoilers dedans, il dit à ses joueurs, vous pouvez l'écouter ou pas. Donc, après tout, c'est pas trop à nous de nous prendre la tête pour savoir si. Okay. On parle et puis on verra bien, quoi. Ça me convient de pas me prendre la tête. Voilà. Si je fais un spoiler, tu fais un geste du type que les gens peuvent pas entendre, tu te mets une main sur la gorge en disant... D'accord, ok, ça voilà. Marche. Pour éviter que je lâche des spoilers promis, comme la saison promis. Dernière. Ça roule, ça roule. Alors, ou, donc, un étranglement de déjà, force, ça peut marcher. Les fragments. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est bien d'avoir divisé la Lune en fragments comme ça? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous a posé problème? Alors moi, ça me parle de suite, parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans le jeu de rôle, c'est utiliser les clichés, utiliser des gros stéréotypes pour bien marquer certains traits. Alors, faut pas tomber dans la parodie non plus, mais cette division en fragments permet de bien isoler certains traits que l'on veut montrer sur la Lune. Et de les exagérer, de les tirer au plus possible. C'est le côté caricatural, en fait, mais la caricature au bon sens du terme. C'est ça. Flavie. Je pense aussi que, pour pousser encore plus loin ce que tu viens de dire, ça a pu amener encore plus de critiques artistes, puisque comme tu as pu parodier certains traits... C'est quoi la critique artiste? La critique artiste, c'est quand tu fais de la critique et que tu fais de l'artiste. Merci Flavie. Merci Flavie pour ce commentaire. Définitions seront disponibles bientôt sur Internet. C'est Fabien qui définissait sans mort en disant que c'était de la critique artiste, c'est-à-dire que c'est un jeu qui se sert d'une œuvre d'art, entre guillemets, ou d'un support artistique pour faire une critique de la société de consommation, on va dire, de la société contemporaine. Et je trouve qu'avoir séparé la Lune en différents fragments permet ça, parce que du coup, ça permet vraiment d'exagérer certains traits que tu voulais critiquer. Donc en fait, tu rejoins Adrien sur le côté fragmenté, c'est finalement isoler certains cas pour mieux les caricaturer, mais les tirer. Les... Oui, et puis même pour les joueurs, ça permet aussi d'avoir une vision un peu plus claire, parce que des fois, c'est quand même un peu difficile. Et vous n'avez pas peur que cette division en fragments, justement, empêche les différents types de se rencontrer, finalement, que ça ne forme plus une société, mais juste un damier de possibilités? Bon, c'est déjà un peu comme ça dans notre société aussi. Hein. Bah, si tu vas, par exemple, à la City à Londres, j'ai pas l'impression que t'auras un endroit où faire du sport dans la City à Londres. De la même façon que dans l'endroit où il y aura du sport, il y aura pas des gens qui auront monté des tentes. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu penses que cette division caricaturale de notre société en disons, profession ou type de personne existe, en fait? Oui. Est-ce que c'est un des problèmes en classe sociale, dit Aloïs, en off? Donc voilà, ça fait aussi partie de la problématique de sens mort, selon toi? Oui, totalement. D'accord, ok. Aloïs, toi, tu dis souvent que dans les jeux de rôle, t'aimes pas la caricature. Alors là, du coup. Ça t'a fait chier dans Sens Mort d'avoir... Pas spécialement, parce que pour moi, c'était juste plus un découpage en département, en somme, avec un type... Pour toi, les fragments n'ont pas de... une personnalité propre malgré si. Tout si, si, si. Mais disons que c'est pas la caricature elle-même qui m'a servi pour les réfléchir, en fait. C'est, certes, c'est la base, on a l'archétype de la personne qui vit dedans, la personnalité même du personnage du Petit Prince, en somme, qui est incrusté dedans, mais ça n'empêche pas d'avoir ici et là des choses qui sortent un peu. Chacun a une espèce de base commune et peut broder par-dessus son individualisme. C'est-à-dire, en fait, fait son marché parmi les différents fragments, quoi. Et se dit, tiens, moi je suis plus de ce côté-là, plus de ce côté-là, moi je me retrouve plus dans cette caricature-là. C'est comme si tu prenais plein de verres d'eau, que tu mettais partout la même quantité d'eau et qu'après chacun mettait son sirop. Je comprends rien du tout. C'est magique. J'espère que les auditeurs auront compris. C'est chaque individu dans un fragment a une bonne partie du caractère du fragment, mais ça l'empêche pas d'avoir son lui-même. Propre truc. Ah d'accord, ok, c'est ça que tu veux dire. Ok. Donc comme ça, t'évites la caricature que t'aimes pas. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, on est quand même dans un contexte, on va dire, de gros d'archétypes, mais pas de caricature, quoi. Voilà. Et après, on peut casser les archétypes. C'est par définition, c'est à ça que ça sert un archétype. Exactement. Presque. Ouais. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Toi, en tant qu'Emmanuel, comment tu les as vécus, ces fragments, en tant qu'Emmanuel? En tant qu'Emmanuel. Et ouais. Quand tu changeras de nom, du coup, tu pourras mais, dire, on pardonne le rien, moi. Emmanuel non, est un jamais. Archétype, il paraît. Donc, en tant que joueuse, Emmanuel, lorsque t'as abordé les... lorsque t'as abordé les fragments, est-ce que... On parle pas de cinématographie. Est-ce que t'as... Oh, putain. Ça suffit, lorsque oui. Lorsque tu as abordé les différents fragments en tant que joueuse, d'accord, avant de lire les bouquins, est-ce que comment tu as trouvé l'idée de diviser la Lune comme ça en fragments horribles, fascistes, ou au contraire Alors moi, le fait qu'il y ait comme ça une vraie séparation, j'ai trouvé que ça renforçait le côté un peu désespéré de chaque fragment, au sens où, au final, s'il y avait un mélange, on reviendrait plus vers une société normale, mais là, pour le coup, on va vers quelque chose qui s'en relèvera pas, quoi. C'est d'accord. Irrémédiable. C'est le côté, en fait... Ouais, je vois bien le truc que tu veux dire. C'est le côté... Parce qu'ils font des signes. Ah oui, pour parler. Oh, ça va. Non, ça va. Ces oscillations sont bonnes. Merci. Elle est encore vivante. Tout va bien. C'est bon. Elle est en vie. Tu parles de ces oscillations de voix. C'est le côté, en fait, cette société est organisée par un tyran, et du coup, le fait qu'elle soit comme ça quadrillée en fragments, ça fait que, on a la sensation qu'elle est désespérée, quoi. Que c'est désespéré, que les gens se mélangeront pas, et que de toute façon, c'est mort, quoi. Mais attends, mais est-ce que c'est si différent que ça dans notre société à nous? Tiens, j'allais faire la même remarque. Parce que quand tu regardes la presse People, où tu vois que les people se marient entre eux et ont des gamins entre eux qui ensuite sont aussi des people, des chanteurs, des machins. Enfin, au final, par exemple, Vaniteux, typiquement, il existe vraiment. Le déterminisme social, quoi, de Bourdieu, c'est pas une fiction, hein, c'est une réalité. Hein. Mais quelque part, cette presse People, toi, tu la lis, tu la vois. Et moi, j'avais la sensation que, justement, là, on a un cloisonnement moral qui est encore plus important, puisqu'il est, il est physique, finalement. C'est ça. C'est... Non seulement vous ne vivez pas au même niveau, mais en plus, vous ne vivez pas au même endroit. Oui, mais on n'est pas non plus invité dans leur soirée à Cannes. Enfin, puis moi, au-delà de ça, c'est peut-être... Tu veux dire que là, dans le bouquin... C'est peut-être plus une métaphore encore plus marquée que dans la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le bouquin, métaphoriquement, reprend ce cloisonnement des catégories socio-culturelles. Ouais, parce qu'il existe aussi, mais peut-être moins marqué, parce que du coup, c'est dans chaque ville, techniquement, t'as quand même un quartier qui est un petit peu plus pauvre, un quartier un petit peu plus mais aisé, le quartier tout, du centre. En France, par exemple, les différentes classes, les différentes couches se mélangent, se croisent. Ça c'est la théorie, mais en pratique, c'est pas tant le cas que ça. Mais en fait, ils se croisent quand même physiquement. Alors que, il me semble que dans Sens Mort, ils ne se croisent même pas physiquement. Peut-être dans le transport en commun, dans le serpent éventuellement. Dans le buveur pour ceux qui veulent s'encanailler, ou dans, par exemple, pour le sportif, le riche voudra aller au stade. Mais quand même, quoi, c'est très limité, ouais. Parce que là, le fragment, ça cantonne vraiment le rôle et le lieu, quoi. Alors que on joue tous à des jeux différents, si j'ose dire, dans la société. Toi, le bourgeois, moi, le clochard, mais n'empêche qu'on se croise. Alors que dans Sens Mort, il n'y a pas de possibilité, quoi. Le clochard, il est dans la cité des clochards, et le bourgeois, il est dans la cité des bourgeois. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être aussi ce côté-là, Emmanuel, tu as trouvé le côté sans espoir, quoi. Parce que du coup, il n'y a pas d'espérance de communication entre les classes. Mais ça va aux États-Unis. Aux États-Unis, au Mexique, il y a des résidences pour riches qui sont clôturées avec des vigiles qui patrouillent. Le riche ne croisera jamais le pauvre. Il y a même des villes qui sont construites pour des catégories culturelles, hein. Il y a une ville qui a été construite exclusivement pour des catholiques. Et tu n'as pas le droit d'y vivre si tu ne l'es pas. Il y a quelque chose qui ressort de... Parce qu'on en a parlé un petit peu hier soir. Alors, Aloïs, t'étais pas là, mais hier soir, on en parlait un petit peu avec Adrien. Et quelque chose qui ressort, c'est que moi, je trouve que... en fait, vous avez l'impression de vivre déjà dans la société de Sens Mort, en fait, presque. Ouais, à peu de choses près, ouais. Ça et... Ouais, c'est un peu le cas. C'est-à-dire, si j'ai choisi mon métier, c'était pour essayer d'y changer des choses. Et plus tu te bats contre des moulins, plus tu te rends compte que les moulins, ils sont costauds, ils sont bien ancrés, quoi. Ouais. Et vous avez la sensation, en fait, alors que moi, quand j'ai décrit cet univers-là, j'avais pas la sensation qu'on y était. J'avais la sensation qu'on c'était un danger de notre société. Mais bon. Bah, parce que là, ce que tu cites, c'est des cas extrêmes dans les États-Unis. C'est quand même déjà là. Ah non, bien sûr, je suis d'accord. Cas extrêmes, mais ça fait depuis longtemps. Quand j'y suis allée en 98, c'était déjà le cas, hein. Moi, je vivais dans un quartier qui était un quartier où vivaient que les riches, où pour y rentrer, il fallait avoir une carte qui t'avait donné la famille. Et une fois, j'avais oublié ma carte et j'ai pas pu rentrer dans l'endroit. Enfin, je suis désolée, les quartiers comme ça existent déjà, quoi. Non, clairement. Après, c'est pas le cas partout. Je suis d'accord. Du coup, c'est vrai qu'on n'est pas encore, par exemple, c'est pas encore le cas en Europe partout ou dans toutes les villes aux États-Unis. Non, du coup, si Sens Mort est la réalité, enfin, comment dire, si Sens Mort correspond bien à une certaine forme de réalité, vous avez pas senti de dépaysement alors en vous rendant sur la Lune? Alors, si, il y a quelque chose qui est important qui intervient, c'est que là, les fragments sont vraiment, enfin, pour moi, il y a une vraie frontière physique très marquée. Alors que dans la réalité, les quartiers vont être plus mitoyens, il va y avoir plusieurs quartiers aisés, il va y avoir plusieurs quartiers pauvres. Ça reste plus mélangé, même si c'est assez marqué au niveau des traits. La différence, c'est que la Lune, c'est juste une grande ville. Donc, Oui, mais là, pour moi, le quartier, par exemple, d'Aviateur, c'est un quartier où, tant qu'on reste dedans, il n'y a que du Aviateur. Il ne va pas y avoir une petite poche où localement il y a un businessman qui s'est installé. Alors justement, on va commencer à les passer peut-être un petit peu en revue. Parce que tu me tends la perche, Adrien, façon de parler, pour dire que tu permets de faire une transition magnifique vers ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire les présenter un à un. Là, tu parles de l'Aviateur. Est-ce que tu peux nous décrire ce fragment, la vision que tu en as, en tout cas? Alors pour moi, Aviateur, c'est la cité dortoir. C'est la cité où les gens dorment. Et c'est une cité très très neutre, très très effacée, où globalement les gens ils y vivent, mais juste chez eux. C'est pas une société, c'est pas une ville où va y avoir un ça c'est intéressant parce que un partage. C'est quand même une société de Flavie. Je suis pas d'accord avec le principe de la cité dortoir, mais bon je. C'est pour moi ceux qui vivent, c'est juste ceux qui travaillent en fait sur les différents vaisseaux. Mais pour moi, c'est vraiment un endroit où on ne fait que passer, ce qui rajoute en plus à la froideur du lieu. C'est un endroit qui est immense, qui est gris, qui est métallique, où les gens qui y travaillent sont comme le lieu, quoi. Ils sont devenus froids et déshumanisés. D'accord. T'es plutôt dans cette optique-là aussi, Aloïs ? Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que tu l'as décrit comme une cité dortoir ? Pourquoi est-ce que toi, tu l'imagines en sommeil ? Parce que... C'est effectivement l'astroport de la Lune. Ouais. Alors, parce que même si c'est l'astroport, il n'empêche qu'il y a peu de commerce avec la Terre, un peu de commerce avec Mars, mais c'est pas non plus très fourmillant d'activité. C'est pas une ville que je vois débordante d'activité. Pour moi, en fait, il y a dû avoir une époque où il y avait ce fourmillement d'activité, mais maintenant, pour moi, sur la Lune, c'est le quartier où va vivre la classe moyenne, on va dire. Parce que si on regarde l'ensemble des fragments, les pauvres sont à buveurs, les riches sont à rois. Mais il n'y a pas de quartier résidentiel pour ces classes moyennes. Et du coup, pour moi, c'est logique qu'elles soient là. Donc moi, c'est la part prépondérante du quartier, c'est ça. Ensuite, il y a aussi ces entrepôts gris. En fait, les bâtiments vont être très neutres. Ça va être une déconstruction vraiment structurelle plutôt que humaine. Moi, comme je l'imaginais, en fait, c'est que c'est un quartier d'esclaves, un petit peu, quoi. Ça va être de serviteurs, en fait, qui sont là au service du commerce, en fait, au service de l'échange, au service des gens qui voyagent ici, au service des voyageurs, en fait. Et comme ces voyageurs sont d'origine disparate, eh ben, surtout, il faut s'interdire de contredire le voyageur. En gros, pour moi, l'aviateur, c'est le fragment de la caricature du service. Au sens où la caricature du service, au moment où le service, en fait, devient de l'esclavage. Tu vois ce que je veux dire ? Le moment où ton chauffeur de taxi, c'est plus qu'une personne. Ça devient ton esclave, en fait. Et c'est ça, moi, que je voulais faire, en gros, à l'aviateur. Emmanuel, en tant que joueuse, quand Aloïs te l'a décrit la première fois, le fragment, est-ce qu'il te l'a décrit déjà ? T'as l'air de dire bof, bof. C'était pas un fragment qui était très important dans la campagne ? Non, c'est pas franchement celui qui m'a le plus marqué. C'est quand même là-bas qu'il y a eu la phrase coupure. Ça, c'est une private joke de... Phrase coupure, pardon, je me sens un peu exclu. Non, il a essayé d'implanter des petits moments de suspense intolérables, mais qui avaient plus trait au scénario qu'au lieu en lui-même. D'accord, ok. Donc effectivement, c'est pas le fragment qui C'est pas le fragment qui t'a le plus marqué. Vous y êtes juste passé, finalement. Vous n'avez pas renoué de lire. Il y a eu l'arrivée et l'hôpital dans lequel j'ai fait mourir Maria Gridway. Moment auquel il y a eu la phrase coupure, en fait, c'est que je me suis arrêté en plein milieu de ma phrase sans respecter la chronique aussi. Voilà. C'est une des seules libertés que j'ai prises. Donc je me suis arrêté en plein milieu de ma phrase pour changer la musique parce que j'avais oublié de le faire. Et du coup, ça a créé une scène de tension qui vous a marqué. Une grosse tension auprès d'Emmanuel. C'est un petit peu comme moi quand, avec Wilfried, je lui avais fait dire, alors qu'il y a une grosse scène de tension, maintenant on va se serrer les couilles et tout. Au lieu de dire, on va se serrer les coudes. Voilà. Ok, fait marquant donc des parties d'Aloïs et d'Emmanuel. Mais en dehors de ça, le fragment, pas du tout, quoi. Finalement, il t'a laissé... Neutre. Indifférente. Vous n'avez pas beaucoup travaillé. Enfin, toi, en tout cas, Aloïs, tu ne les as pas beaucoup entraînés dans ce fragment. Non, pas spécialement. Ok. Toi, Fly, avec tes joueurs, ça... Moi, je me souviens surtout aussi de la façon dont j'ai pu le jouer en tant que joueuse. Et qui me faisait dire qu'aussi ceux qui... vivait là était froid, c'est-à-dire que rien ne peut se faire si t'as pas le formulaire en trois exemplaires qui dit que tu peux te garer là ou que tu peux passer. Il y a un côté fonction publique, ouais, procédurier, et un côté où tout est tellement bien calé qu'en fait t'as même plus besoin de réfléchir. Et donc quand t'arrives là-dedans, soit tu crées un bug soit tu meurs, en fait. Je veux dire, à chaque fois que il y a quelque chose qui est mal fait, t'es repéré et t'es tout de suite mis au banc, quoi. D'accord, ok. Et toi, Adrien ? Alors moi, en tant que joueur, tu t'as jamais joué ? Non, j'ai jamais joué. Maîtrisé, j'ai toujours maîtrisé. Ouais. Moi, l'aviateur, j'ai une joueuse qui l'a très vite pris en main. En gros, ce que tu dis du service poussé à l'extrême, au final, c'est aussi les gens qui vivent leur métier sans se poser de questions derrière. Et ça, c'est aussi, en fait, ça se retrouve aussi dans ce que j'en ai fait dans le quartier résidentiel où les gens vivent et ne profitent pas. D'accord. Ils sont un peu torves et larvaires dans cet endroit-là. Et la joueuse, du coup, s'est penchée là-dessus, a essayé de les réveiller, a essayé d'organiser des meetings populaires, a essayé d'organiser des repas de quartier, des choses comme ça, pour animer, pour essayer de réveiller ces gens. Parce que c'est vraiment les endormis de la lune, pour moi. Ah ouais, vraiment ? Oui. Plus que le quartier de... Ouais, ok. Bon, on y reviendra. En tout cas, il y a un truc qui est intéressant aussi dans ce que tu viens de dire et que tu viens de rappeler, c'est que le but de chaque fragment, enfin en tout cas, le but de chaque joueur vis-à-vis de chaque fragment, c'est un petit peu de prendre la responsabilité d'un fragment pour essayer de les réveiller, en gros, le fragment qui touche le plus le joueur. Parce que s'ils ne le font pas, si les joueurs ne font pas ça, eh bien, ils vont se retrouver avec des fragments qui seront indolents, endormis et qui, au final, ne participeront pas à la bataille de la résistance. Donc, c'est le moment sans mort où les joueurs vont s'investir vraiment pour libérer des populations. Aloïs. Le fait d'avoir évoqué Aiguilleur me fait penser à une chose. C'est quand même assez étrange que les deux fragments qui évoquent le sommeil, donc le sommeil plus ou moins éveillé de la neutralité de l'aviateur, et le sommeil complet de Dreamsters, c'est quand même les deux personnalités qui sont en train avec le voyage. Aiguilleur avec le train et l'aviateur, voilà. Alors l'aviateur n'existe pas dans Le Petit Prince, en fait. Enfin, il fait référence à celui qui écrit le livre. Voilà, à Saint-Exupéry. Ouais. Donc, effectivement, le quadrilla qui garde ce fragment, parce qu'il faut savoir que chaque fragment ensuite est gardé par un quadrilla qui en hante, on va dire, le cœur. Et donc, les joueurs vont devoir, comme c'est dit dans le bouquin, exorciser, on va dire, Ici, ce quadrilla, il est invisible, il n'apparaît pas, on saura pas qui c'est. Enfin, en tout cas, c'est pas un quadrilla comme les autres. Bon, ça joue aussi dans le passage, en fait, le passage entre Sens Renaissance et Sens Mort, donc la transition. C'est un quadrilla particulier. Je ne vais pas trop spoiler pour les gens qui n'auraient pas lu le livre. Mais voilà. Donc, l'aviateur, pour moi, c'est vraiment cette histoire de service qui tourne, qui vire à l'esclavage, quoi. Et ça, je suis désolé, mais dans notre monde, là, il y a des moments où on ne sait plus trop bien, quoi. Quand on voit certaines personnes qui doivent se lever tous les matins pour par exemple, aller aux abattoirs, tuer des porcs pour des gens qui ensuite, enfin, tu vois, ça devient bizarre, quoi. Je trouve que ça rejoint presque. Alors, je suis désolé, on dit souvent qu'il ne faut pas toujours faire appel aux nazis, mais ça fait pour moi, ça me fait vachement penser aux spécialistes. Spécialiste, celui qui dit mais j'ai bien fait mon travail parce qu'il aiguillait les trains et qui s'est jamais renseigné parce que en voyant que les trains il y avait des juifs dedans. Eux ils font bien leur travail et peu importe ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ce côté-là, quoi. C'est le déni de conscience. Voilà, se déresponsabiliser. De toute façon, ce qui compte, c'est de bien faire son travail, à savoir servir les gens qui passent. Et après, ce que font les gens qui passent, on s'en fiche parce que notre rôle, c'est de servir en fait. C'est ça, ouais. C'est vraiment le technicien nazi. Mais pour toi, c'est rendre le service aux gens qui passent. Le problème, c'est que ce service, que ce soit le voyageur ou que ce soit aller travailler dans une usine, qu'il soit dans un autre fragment ou que ce soit servir dans un bar du buveur, ouais. C'est la même chose au final. Je trouve ça en plus fait, marqué c'est... quand même dans celui de l'aviateur parce que t'as plus aucune fonction à part celle d'être un robot, quoi. Oui, mais pour moi, ceux d'aviateur vont travailler dans les autres fragments. Ouais, alors que moi, pas du tout. Celui qui entretient les allées à marchand, celui qui est vendeur à marchand, c'est quelqu'un qui habite à Aviateur. C'est pas mal comme vision. Un esclave à un métier. Ah mais du coup, toi, comme dans ta vision de sens, en fait, le fragment de l'aviateur est un peu décrépit parce qu'il y a moins d'échanges entre la Terre et la Lune et la Lune et Mars. C'est ça. Du coup, ces gens-là, ces familles d'esclaves, entre guillemets, on les a investis à d'autres tâches. C'est ça. Et puis ne serait-ce qu'en fait, quand on lit les descriptions des fragments, il n'y a nulle part de quartier résidentiel. Roi, tu vas pas faire travailler l'ouvrier qui travaille à l'usine. L'ouvrier de réverbère, il reste à réverbère. L'ouvrier qui est à buveur, il reste à buveur. Exact. Les aristocrates restent à Roi. Mais à marchand, personne n'y vit. Si. Il y a pas des gens qui dorment dans les bourses. Alors. Non, mais ça c'est pas marchand. Ça c'est pas marchand, c'est businessman. Dans marchand, personne n'y dort. La nuit, des patrouilles passent. Des patrouilles passent et il y a des choses qui se baladent et la nuit pour défendre et on ne sait pas trop ce que c'est et ça a été laissé à l'imagination des lecteurs un petit peu, le marchand de toute façon même dans la réalité personne n'y vit jamais, mais par contre je pense que dans tous les autres fragments il y en a qui peuvent dormir. Ouais, en fait ce qui est intéressant c'est que moi j'avais pas du tout pensé ça, en fait une cité dortoir j'y avais pas du tout pensé. Et je me dis en fait que peut-être inconsciemment ce que je voulais dire ou montrer, c'est qu'en fait puisque de toute façon ces gens sont des caricatures et qu'ils sont comme ça divisés en fragments, ils n'ont pas besoin de dormir, c'est des machines en fait. C'est déjà un peu des machines quoi, servies à une fonction, à une société oppressante. Je pense que tu avais voulu aussi un petit côté métaphorique peut-être. Mais en fait tout est métaphorique. Hein. Le problème c'est qu'à ce moment-là tu oublies plein de choses qui peuvent servir au MJ. C'est la rencontre avec la famille de ces gens. Aller les voir chez eux et voir comment ils vivent. Et ça c'est. En fait c'est un truc qu'on retrouve souvent, c'est que en tant qu'auteur en fait tu penses pas. Au MJ, parce que tu vas avoir plusieurs types de MJ en fait. Tu vas avoir le maître de jeu qui va prendre ton jeu de façon presque réaliste, qui va demander mais comment la lune produit son énergie, tu vois ce que je veux dire, et comment il trouve l'eau pour tu vois. Et puis tu vas avoir le MJ qui s'en fout en fait, qui lui tout ce qui l'intéresse c'est le symbole et tout ça. Et moi je suis entre les deux effectivement. En tant qu'auteur j'ai vraiment mis l'accent sur le, en tout cas dans Sens Mort, sur le symbole. Ce qui compte c'est Qu'est-ce que représente le fragment et qu'est-ce que tu veux dire en fait, qu'est-ce que tu veux montrer dans le fragment, dans la description qu'en est faite. Et c'est d'ailleurs c'est Flavie qui les a faites, les descriptions dans Sens Mort, c'est elle qui les a écrites, parce que moi j'y arrivais pas en fait, j'arrivais pas à poser sur le papier ce que je ressentais. Et vu que Flavie y avait joué pendant des heures, et en fait je lui ai dit voilà ce que je ressens c'est ça, et Flavie finalement a fait un peu ma négresse, j'étais sa petite main. Ouais, sa petite main. Je sais plus, apparemment, il y a un nom plus classe maintenant pour dire nègre, parce que c'est vrai que c'est un nom assez horrible. Je crois que c'est horrible le nouveau nom. Ouais, aussi, c'est horrible aussi le nouveau nom, apparemment. Donc, ben, disons tout simplement que je t'ai aidé. Voilà, tu m'as tout aidé simplement à écrire ces fragments parce que moi, j'y arrivais pas, en fait. J'avais tu pas m'as dit ce que tu voulais qu'on ressente, ouais, ce que tu voulais qu'on y trouve. Et ce que, dans ce que j'avais lu, en fait, c'était pas jouable en état. Et je t'ai dit, il faudrait que tu rajoutes ça. Et ça, ça joue aussi. C'est-à-dire que je pense que ça joue dans la réflexion d'Adrien, parce que si c'était moi qui les avais écrits, je pense qu'il y aurait eu plus de descriptions techniques. Oui, alors que moi je m'en fous des trucs techniques. Moi je fais juste les trucs métaphores. Elle a juste fait parler ce que je lui avais dit, c'est-à-dire ce qui comptait, c'était la sensibilité du lieu, l'importance symbolique des éléments qui étaient décrits, mais pas forcément. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc du coup, ouais, on se retrouve avec un sens mort qui est, au final, on s'en fout qu'il soit réaliste. Et ce qui oui, bien sûr, mais ça on le voit. La question de l'énergie, de l'eau, de tout ça, de s'il y avait assez de bouffe. Pour moi, c'était vraiment très secondaire. C'était pas. Mais du coup, c'est vrai que ça peut créer du jeu aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, le truc. Et donc, du coup, bah ouais, c'est bien les symboles et tout pour le mec qui lit le bouquin. Mais après, pour créer ta partie et créer du jeu, si t'as pas de nécessité, bah, quelque part, tu perds ta base, en fait. Il y a un peu de ça. Mais alors, sachant que, par exemple, l'eau, la nourriture et l'énergie, c'est pas important parce que ce qui est au centre de Sens Mort, c'est l'humain. Donc pour moi, il fallait d'abord qu'ils aient un endroit où dormir avant de se préoccuper de comment vient leur nourriture. J'ai envie de dire comment trouver sa nourriture et tout. Sur les questions de nécessité, c'est peut-être plus renaissance. Ouais, peut-être. Peut-être que dans Sens Mort, c'est des questions qui sont moins essentielles. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est intéressant. Alors, le fragment du roi. Le fragment du roi. Ouais. Alors, est-ce que oui. Déjà, comment est-ce qu'on le décrirait pour les auditeurs rapidement? Pour moi, c'est des très grandes avenues, très larges, avec des très grands arbres sur les côtés. Ouais, des grands boulevards haussmanniens avec des arbres. Beverly Hills. Les Champs-Élysées, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf que tout est plat, c'est très plat. Parce que forcément, le mettre du relief ici, c'est un peu payant. Ouais. Et il y a juste les maisons qui vont parfois avoir leur colline. Et si on a une grande colline, c'est qu'on a plein d'argent pour faire venir plein de terre de la terre. Et moi, je me rappelle de la phrase, c'est on rivalise d'audace dans les constructions les plus baroques. En fait, dans les constructions les plus classiques, quand on met de l'audace, c'est jamais vraiment de l'audace. Donc les constructions sont classiques, on va rajouter une colonne et tout le monde va faire « Ouah, il a rajouté une colonne !» En gros, on rivalise d'audace, de pognon pour rajouter des colonnes ou des trucs comme ça pour montrer que t'as de l'argent. Mais en fait, comme tout est audacieux, rien ne l'est, quoi. Voilà. Mais il y a un truc, moi en fait, quand j'imagine ce fragment, j'imagine, vous savez, vous avez déjà vu La Belle et le Clochard de Walt Disney ? Ces quartiers bourgeois j'ai écrit le truc, j'ai pensé à ça aussi. C'est marrant, c'est vraiment ça, que c'est le petit quartier résidentiel paisible où finalement il se passe rien, où les gens se disent bonjour, mais enfin sans vraiment se connaître, où il y a des intrigues politiques et tout, des trucs, mais toujours dans le dos, jamais dans les petits salons. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Tout est beau en apparence, tout est bien. Tout est hypocrite. Mary Poppins, quoi. Tout est hypocrite aussi. Le petit quartier de Mary Poppins, paisible, avec son petit parc. Les gens sont tous gentils. Et puis, en fait, les gens sont tous pourris. Bah ouais, j'aurais peut-être pas si quasi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est très beau en apparence, mais quand tu grattes un peu, ça ne l'est pas tant que ça, en fait. Ce serait ce fragment-là. Enfin, pour moi, c'est surtout un égoïsme très profond. Qui fait que chaque famille va essayer de défendre les intérêts de sa famille et qu'au final, ils font plus leur rôle de représentant du peuple, mais leur rôle de représentant de leur famille. Ouais, c'est vraiment un carcan très marqué d'éthique, en fait. Il y a tout un... C'est quand t'es un compte, l'étiquette. Plutôt, l'étiquette, elle est loin, en fait. Ouais, l'étiquette est très présente quand t'es le compte machin, mais que t'es un compte nouveau, t'as pas la même importance que le compte anciennement né. Et tout ça fait que tout est très difficile à vivre quand tu en fais partie et que tu deviens superficiel. Ah, tu sais quoi, ça me fait penser à la société anglaise un peu, dans sa caricature. Ou même japonaise, où tout le monde en fait a des rôles bien stricts et il naît avec un rôle à jouer et au-delà de ce rôle, il y a rien du tout. Puis au final, tout est superficiel. On va se battre pour que sa fille riche et nouvellement née puisse épouser un baron pauvre anciennement né pour pouvoir gagner en noblesse et tout. Alors mais ça, au final, tout reste extrêmement à la surface parce que du coup, il faut être toujours bien présenté, etc. Ouais. Mais on s'intéresse plus à rien d'autre et donc on s'intéresse certainement pas à comment est gouvernée la Lune, alors qu'en fait, c'est eux qui sont censés la gouverner. Exactement. C'est censé être la classe dirigeante qui vit là, quoi. Adrien, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, c'est ça. Enfin, alors, ils ont quand même, pour moi, ils ont quand même un rôle politique qu'ils jouent. C'est que en fait, ces gens de roi sont aussi ceux qui vont posséder certaines sociétés, certaines entreprises. Et du coup, ils vont être une sorte de puissance de lobbyisme sans fin. Donc, par exemple, moi, quand mes joueurs ont essayé de faire stopper les usines à viande de Buveur, ils ont dû se heurter à des lois complètement absurdes votées par les gens de roi, qui autorisaient le transit de matière depuis la Terre, mais qui refusaient, par exemple, que cette matière ne soit pas analysée dans des laboratoires agréés. Enfin, et du coup, ça donnait des procédures complètement aberrantes, et au final, rien ne passait. Ils ont dû lutter face à ça aussi. Ça a donné lieu à un scénar particulièrement nul, mais bon. D'accord. Bon, en tout cas, voilà cette idée que, pour résumer un peu les deux idées que vous venez de dire, c'est deux choses. Le côté superficiel en fait, des jeux de pouvoir, alors que c'est la vraie politique qui devrait être établie ici. Et d'un autre côté, dans l'ombre, dans les salons, on discute de la vraie politique qui consiste en des espèces de lobbies en fait, qui ne visent que l'intérêt personnel. Parce que ce qui revient en fait, du fragment du roi, c'est quand même le fragment du roi, on n'est pas en démocratie. C'est justement la démocratie que l'Empire a essayé d'imposer. C'est ça qui est bizarre, c'est un empire démocratique. On retrouve un peu dans ce fragment aussi l'ennui de Madame Bovary. Si tu rentres en résistance aussi, c'est parce que tu t'emmerdes. Quand tu es dans le fragment du roi, c'est parce qu'ils s'emmerdent qu'ils rentrent en résistance. En partie pour certains qui font partie de la résistance. Ouais, peut-être. Si tu te rends compte, pas pour eux, mais il y en a certains, ils rentrent en résistance parce qu'ils s'ennuient, quoi. Ils peuvent plus faire de vraie politique. Et si en plus tu te rends compte de ce qui se passe vraiment, tu peux pas rester là à rien faire. Et là, tu rentres vraiment dans la vraie politique. Et là, tu rentres dans des trucs dangereux, tout en essayant de garder tes petites apparences bienséantes, quoi. Ouais, ce qui ressort vraiment de toi, ton propos, Fly, et c'est vraiment cette idée que ils sont là pour ils font des petites querelles, des petites guéguerres, et au final ils gèrent rien, quoi. Mais ça, moi c'est vrai que il y a aussi la position d'Adrien qui me séduit pas mal, qui est que si ils font vraiment du pouvoir, mais leur pouvoir c'est un espèce de contrôle malsain. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les deux aspects, quoi. Parce que si tu dis ils passent leur temps à faire de la superficialité et tout, je sais pas si c'est très compatible avec l'idée d'Adrien au final. Ouais. Si, techniquement, d'un certain côté, ils font de la superficialité, et à côté, comme tu l'as dit, chacun gère les intérêts de sa propre famille. Moi, je les vois pas du tout superficiels. Ça va être, certains peuvent l'être, mais pour moi, c'est vraiment cet égoïsme, cette cupidité, sont auto-centrés, quoi. Ouais, mais comme tu disais sur la société anglaise avec les jeux dits brandis et tout, de la famille, dans le manoir de la famille Astoria où tout le monde se retrouve le jeudi soir, les plus jeunes pour les conquêtes amoureuses et les plus vieux pour les trucs importants, quoi. Il y a deux niveaux, quoi. Ouais, c'est. En tout cas, est-ce que c'est un fragment que vous avez beaucoup développé pendant vos parties, Adrien ? Un petit peu, ouais. C'est un fragment qui est assez central quand même dans l'histoire. Parce que c'est le fragment où les joueurs, où les personnages des joueurs habitent, en fait. Ouais. Donc, ils y habitent, mais en fait, pour moi, c'est un quartier où tu n'interagis pas du tout avec ton voisin. D'accord. En fait, c'est un quartier où tu croises jamais personne parce que tu circules qu'en véhicule de luxe. Du coup, les grandes rues sont. Il n'y a pas de piétons à part les esclaves qui rentrent chez eux à pied. Ouais. Donc, du coup, il n'y a pas d'interaction directe avec les voisins. Ils rentrent pas chez eux à pied. Si mes souvenirs sont bons, dans le bouquin, il est bien dit que les trains sont cachés et qu'ils passent derrière la maison pour rentrer dans le train. Non, ça, c'est dans l'aspect symbolique, mais pas simplement. Alors, Adrien, il fait ce qu'il veut, hein. Il est maître dans sa maison. Dans le livre, ok, on est d'accord, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on cache les esclaves. Mais c'est vrai que c'est important, symboliquement. Ouais, c'est-à-dire qu'il faudrait surtout pas que la maison de poupée soit dérangée par des manants, quoi, en fait. Les esclaves, ils prennent leur petit train discret, ils s'en vont. Dans ton truc, ils rentrent à pied. Bon, c'est pareil, ça rajoute à l'humiliation, en fait. Ça rajoute à la supériorité des gens en voiture qui regardent les gens à pied et qui se laissent observer. Enfin, il n'empêche en tout cas, on croise personne dans le fragment du roi. Et donc, pour moi, ils ont interagi avec roi, donc déjà pour l'heure de la libération du fragment. Donc ça, c'est assez guidé, donc on ne va pas s'attarder dessus. Ouais. Mais ensuite aussi, comme je l'ai dit, sur tout ce qui tourne autour des projets de loi pour le commerce avec la terre, qu'ils ont donc dû essayer d'ouvrir en faisant pression sur certaines familles, certains lobbies. Et puis ensuite, d'un autre côté, ça a été lorsqu'ils ont dû enquêter sur une grosse société marchande basée au businessman et aller voir les patrons qui étaient notamment. D'accord. Ouais. En fait, tous les gens de pouvoir habitent à roi. C'est un petit peu comme quand, en fait, j'ai l'impression que dans ton truc, le fragment du roi, c'est quand on remonte la pyramide des commandes, on finit toujours par attirer au roi. Quoi. C'est ça. Okay. Mais c'est vrai, mais c'est ça. Aloïs, tu veux prendre la parole depuis pas mal de temps. Excuse-moi. Alors, avoir parlé des esclaves, ça a réveillé en moi. Quelque chose. Donc je suis plutôt du côté de Flavie par rapport à la superficialité, pas la supériorité. Ouais. la superficialité des riches de roi. Et le fait d'avoir parlé des esclaves, ça m'a fait penser aux pensées de Pascal. Avec le « Oh, il a quatre valets ». C'est... On est vraiment dans le montrer qu'on est plus riche que les autres, le prestige, qu'on a plus de quoi. Pouvoir. Mais, ouais. Et... Mais ce pouvoir, en fait, il se manifeste par le fait de rien faire. C'est moins tu peux en fa... moins t'en as à faire, plus t'as de pouvoir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que plus, en fait, moins on fait des trucs et plus ça montre que d'autres le font pour toi et donc que t'es voilà. puissant. Quoi. Je suis plutôt dans cet avis-là pour roi. Ouais, c'est assez intéressant. Flavie, toi, dans les parties que tu as dû maîtriser, il me semble. Moi, c'est un des endroits les plus importants pour moi parce que j'aime beaucoup les intrigues politiques dans mes scénars. Donc, les intrigues politiques, vous y avez forcément un moment dans chaque scénar où vous allez au jeudi brandi, quoi. En fait, c'est là où. En fait, c'est marrant parce que, tu vois, si les scénarios de Adrien y aboutissent toujours, tôt ou tard, quand on remonte la chaîne des pouvoirs, on arrive toujours au roi, on finit toujours par le roi, en fait. Toi, c'est l'inverse. On y commençait toujours. On commence, et c'est et on à partir ailleurs. De ce qu'on apprend dans les jeudis brandi et dans ces réunions mondaines qu'on va découvrir, qu'on va aller dans le. Puis moi, le j'avoue avoir une sorte de petite fascination. C'est peut-être mon côté lectrice de fantasy, hein, mais une petite fascination pour tous les jeux de nobles et tout, qui du coup sont vains et en même temps très importants, sauf qu'ils ne savent pas à quel point ça va être important. Ils se rendent pas compte de toutes les implications de ce qu'ils vont faire en fait. Ouais. Un battement de sourcils dans le salon ou un applaudissement dans le salon va provoquer une guerre entre la France et la Prusse. Quoi. Par exemple, je me rappelle d'un scénar que j'avais fait. C'était un frère et une sœur. L'un des frères est allé s'ennuie en fait. C'est un noble de haute lignée. Il va dans Dreamster. Et sa sœur essaye de le réveiller. Et moi, c'était un truc que j'avais créé dans. Et maintenant, c'est dans la base. En ouais, fait. C'est, ouais. C'est elle la relation entre Julio et Julia. Mais toi, tu l'avais plus. Ouais, moi, l'esprit de son frère dans une sorte de robot. Et en fait, c'était juste des nobles qui essayaient de tirer leur épingle du jeu et de changer certaines choses sans se rendre compte qu'en fait, ils allaient avoir plein d'impact dans le reste de la. Parce qu'il ressort en fait de ta vision du fragment du roi, c'est que tout ça, en fait, c'est vain. C'est que, c'est que finalement, quand l'humain cherche un sens à la guerre entre la Prusse et la France, il découvre qu'en fait, c'est un battement de cils dans un salon pourri. Ouais. Quoi. C'est que quand on creuse en fait, sous le vernis, bah, tout ce qu'on voit, c'est un truc insignifiant. Quoi. Comme si le monde était fait et défait de détails et de choses superficielles. Et qu'en fait, et quand on pour moi, l'importance pour les bugs, là, c'est d'essayer de réveiller les nobles en leur disant « Mais réveillez-vous 5 minutes, essayez de vous rendre compte des implications de vos actions. » Et rendez-vous compte qu'en fait, vous pouvez faire des choses qui ne sont pas vaines. D'accord. En fait, les bugs, ce sont les vrais rois, en fait. Ouais. C'est ça que tu veux dire. Ouais, qu'il faut que les nobles se mettent à vraiment se rendre compte de ce qui se passe pour pouvoir vraiment faire les choses comme il faut. Pourquoi, selon toi, les bugs sont plus puissants que les nobles que tu décris ? Parce que eux, ils se rendent compte des implications de leurs actions. Et ils sont plus lointains. Ils essaient de voir ce qui se passe en synthétique, pas juste à un endroit. Ouais. Ils vont pas juste en fait, se dire. En t'écoutant, je me disais que moi, c'était parce qu'ils avaient un rôle de transition, en fait. Parce que le bug est justement la transition entre l'immortel, le commandant, le roi, enfin celui qui gouverne, et le peuple, en fait. Parce qu'il est issu du peuple, et c'est ça, en fait, qui est. Je pense qu'ils peuvent même amener les deux à se rencontrer, au final. Voilà, c'est ça, de faire en sorte que chacun prenne conscience de l'autre, en fait. Mais bon, je sais pas. D'amener de la mixité sociale. Ouais. Aloïs, dans tes le roi, avec Emmanuel, comment ça s'est passé? Je t'avoue que Sens Mort, j'ai pas beaucoup travaillé dessus en fait, ça m'a pas vraiment inspiré dans la globalité en fait. D'accord. Beaucoup moins que Sens Néant, à ce que j'en vois pour le moment. À l'occasion. Ouais. Mais depuis Sens Renaissance, comme on disait à l'instant avec Emmanuel, on sentait que les joueurs étaient plutôt pour une partie d'aventure plus que d'exploration de l'univers. D'accord. Enfin, ils avaient envie d'avoir les révélations. C'était du jeu, surtout en fait. L'histoire qui primait. C'était surtout l'histoire qui primait, donc du coup j'ai été plutôt fidèle à la base. Très lacunaire sur les fragments et fidèle à la base sur l'histoire, sauf pour le coup de Maria et Solipsis. Quoi. D'accord, ok. T'as vraiment mis l'accent sur les histoires entre les personnages, le côté série en fait, et finalement le décor, tu l'as laissé en décor, il n'a pas pris un rôle très important. C'est comme ça que tu l'as ressenti aussi, Emmanuel, dans les parties de Loïs ? Alors, oui, au sens où on n'a pas forcément passer beaucoup de temps sur la description du décor. C'est pas faute de leur avoir dit de s'intéresser à ce qui se passait autour. Alors, mais justement, il y a deux choses qui se sont passées. Donc, la première, c'est quand même, on l'a vécu de façon assez intense. Et mais pas seulement à cause de l'histoire, mais il y a quand même une véritable ambiance qui s'est installée. Mmh. Et donc, on s'est quand même pris en pleine face les différents travers des fragments. Des fragments, ouais. Donc, quelque part, t'as quand même réussi ce tour de force de nous montrer ce qui allait pas, même sans qu'on s'y attarde. Alors toi, comment tu l'as ressenti, du coup, le roi ? Comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui en tant que joueuse qui a traversé le truc, quoi ? Alors, le truc, c'est que j'ai quand même refeuilleté un peu le bouquin après. Sûr, donc, non, peut-être que je mélange un peu, mais c'est vrai que moi, j'avais le sentiment de quelque chose de très désincarné, d'une coquille creuse. Donc, je rejoindrais beaucoup ce que disait Flavie là-dessus. Ouais. Après, l'autre chose qui a peut-être été soit la conséquence de la façon dont on l'a joué, soit la conséquence de la façon dont Aloïs nous l'a présenté, c'est que on avait l'impression d'avoir vraiment aucune prise là-dessus. Donc, c'est vrai que quand j'entends dire que les bugs sont des rois, c'est quelque chose qu'à aucun moment nous on a ressenti. Ce d'accord, qui pouvait être assez. Mais c'est effectivement, voilà, le fait d'avoir aucune prise sur les événements. Comme pourtant, je l'avais dit, il me semble que c'est la fin du combat contre le roi, justement. Il leur passe le pouvoir et dit, bah ouais, c'est vous qui avez maintenant le pouvoir, en fait. Bah, comme je l'avais dit à la saison dernière, pour moi, la lune, c'est le moment où les bugs sont impuissants. Mmh. Où ils sont quasiment que spectateurs. Et ça, c'est un truc que j'ai tenu à faire marquer pendant le bout de campagne qui s'est passé sur lune. D'accord, ok. Bon, ça après, c'est un parti pris. D'accord. Ça leur empêchera pas de blaster des gueules à Cosmo. Mmh. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, t'as insisté vraiment plus sur le côté. Ouais, c'est ça, quoi. Impuissance. Ils assistent en fait plus aux événements impuissants et ils en prennent plein la gueule. Quoi. C'est vrai que ça, après tout, c'est dans la base aussi. Mais bon, je pense que à ce petit jeu-là, tu risques l'ennui. Mais dans la base, il est précisé aussi que les bugs doivent essayer de réveiller les fragments. Exactement. Et même s'ils n'y arrivent pas, il faut qu'il y ait du progression. Exactement. L'un n'empêche pas l'autre. Mais bon, ouais. Bah non, parce que si tu leur mets un mur mais j'ai l'impression qu'il y a eu une incompréhension au niveau du contrat social dans la partie d'Aloïs. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas compris qu'ils avaient de l'influence sur les fragments et qu'éventuellement. Il y a notamment Kevin qui a voulu. Si tu dis souvent, quand tu parles de ta table, tu dis souvent, ouais, pourtant c'est pas faute de vous l'avoir dit. C'est le truc qui revient tout le temps. Ça fait trois fois que je te l'entends dire aujourd'hui. Ça a manqué d'exploration. Moi, je l'ai dit texto en fait. Ouais. Mais... j'ai une joueuse qui a essayé de réveiller les gens d'aviateur, qui a essayé de faire des meetings politiques. Ça marchait pas. Je dis clairement, personne ne vient, les gens ils te regardent d'un air bizarre, ils passent. Puis il m'a dit, bah ouais, mais ça sert à rien. Je lui dis, oui, ça sert à rien dans un premier temps. Il faut que tu insistes. Je te le dis clairement, il faut que tu insistes. Il faut que tu y passes du temps. Il faut que tu me fasses des interscénars, tous les scénars. Il faut que tu me dises à chaque fois qu'est-ce que tu fais, les gens, que tu me crées des PNJ qui vont venir t'aider, que tu. Voilà. Bouge-toi le cul. Toi, joueuse. Alors, est-ce que c'est le genre de choses qu'il faut dire à un joueur ou est-ce que c'est le genre de choses qu'il faut faire sentir à des personnages ? Non, je pense qu'il faut le dire au joueur. Parce qu'en fait, quand tu mets un mur de briques face au joueur, il faut qu'il comprenne s'il peut le casser à force d'y taper dessus ou si juste c'est un mur de briques. Mais il y a un de mes joueurs, Kevin, donc, qui a été le quadria, qui a commencé à vouloir faire bouger les choses, mais on arrivait déjà au moment où Solipsis crevait, donc. Comment il en parle ? C'était pas le spoiler que tu voulais éviter. Ah, c'est trop tard. C'est pas moi le spoiler cette fois-ci. Ouais. Bon, non, mais c'est pas que je l'évitais spécialement. De toute façon, on sait qu'on s'adresse à des maîtres de jeu. Et d'ailleurs, j'ai sur ma seconde table, on vient de terminer le premier scénar de mort, et j'ai déjà deux joueuses qui soupçonnent qu'à la fin, soit Maria est une traîtresse, soit Solipsis meurt. En fait, voilà, ils n'ont pas encore énoncé la possibilité que ce soit les deux. Mais... Parle dans la mousse, ne parle pas en dehors du micro à Louis. Ouais. Donc, putain, on n'avance pas beaucoup. Hein. Comme quoi, il y a pas mal de choses. On va en faire deux, c'est sûr. Alors, le vaniteux, le buveur et le businessman. Alors, je les rassemble parce que c'est la même ville, mais ils ont tous des stades, des symboles différents. Je sais pas comment dire, des... C'est une ville, ouais, c'est symbolique différente. Donc là, on parle de Vegas, donc qui est une ville basée autour du jeu. Et en fait, le buveur, le vaniteux est autour du centre de Vegas, donc qui est l'endroit où des jeux, et plutôt un endroit de journalisme et de sport, on va dire. Et en fait, ensuite, tout autour, il y a ce qu'on appelle le toddy du buveur, qui est tout autour et qui rassemble en fait tous les gens qui ont échoué au jeu ou dans le métier de sportif ou ce genre de choses. Et businessman, c'est quoi ? C'est le jeu, justement, non ? Oui, le businessman, c'est le jeu. Le buveur, c'est le fragment où tous les gens qui ont échoué dans les deux autres fragments se retrouvent. Et le vaniteux, c'est le sport. Le sport, gala, et voici, tout, voilà. Tout ouais, le média, tout le problème du, la même pas que vous n'avez gala et tout ça. Hein, tout le problème du journalisme actuel, dans tout ce qui a plus tape à l'œil. On va peut-être les passer en revue. Le buveur, on finira peut-être par le buveur. Je pense que c'est le plus intelligent. On va commencer par le businessman. Donc le fragment central, celui qui est au centre, c'est Vegas. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Vegas? Je crois que dans la campagne, on n'y passe pas. Alors dans la campagne, on est obligé d'y passer. Les épreuves n'y passent pas, mais il est précisé qu'il doit y avoir une épreuve pour chacun des fragments. Donc on est obligé d'y passer. Pour moi, ça a été un fragment que j'ai abordé de façon très lointaine, c'est-à-dire que le problème sur lequel ont dû enquêter les Bugs était originaire de là-bas, qui était dirigé par un gars de roi, donc toujours lié à roi. Ouais. Mais ça a été une scène, ça a été un passage dans un bureau où ils ont pu récupérer du matos, un PC pour voir ce qui avait été fait, etc. D'accord. Mais ça a été très, très secondaire. Parce qu'en fait, au final, c'est un endroit où se décide les choses, c'est un endroit où se passent les grandes décisions, mais elles n'ont pas d'influence là-bas directement. En fait, ces gens, ce qu'ils jouent, ça influence le reste de la Lune. Et arrêtez de parler à côté, vous deux là. Je vous vois là, tous les deux. J'étais en train d'essayer de me rappeler qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là. Alois, vous êtes insupportable. Vous parlez constamment quand les autres parlent. Du coup, je n'ai pas écouté ce que disait Adrien. Donc attention. Désolé. Un avertissement. C'est la saison des avertissements. Carton quoi ? C'est une nouveauté dans la saison. Non, mais c'est vrai que du coup, j'ai pas entendu ce que t'as dit. Ouais. Donc, ce que je dis globalement, c'est que le businessman, c'est pas un quartier où il va se passer des choses. Il va se passer des choses, non. C'est un truc où les choses vont être décidées. Donc, ils vont y aller faire une petite enquête, mais ça va durer pas longtemps parce qu'au final, c'est des bureaux. Ils récupèrent un PC et puis ils fouillent et puis voilà, c'est bon. Et après, il n'y a rien d'autre à y faire, quoi. Donc, pour moi, ça a été vraiment ces quatre tours très, très, très grandes posées au centre d'un quartier et. Il n'y a pas d'humain là-dedans, il y a du décisionnel, c'est très... Yes. Aloïs ? Le fait qu'ils y passent très peu de temps, je trouve ça plutôt intéressant parce que ça me fait penser aux salaryman japonais, en fait. Même aux gens qui sont dans les bourses, etc. Tu vois, ce sont des gens qui vivent que deux jours, des fourmis qui s'agitent pendant une journée. Ils ont pas de vie, quoi. Ils travaillent et c'est tout. Donc, tout se fait rapidement. Le salaryman, l'image que tu vois, c'est il est en costard avec sa mallette en train de courir dans le métro. Alors, il y a à peine le journal. Ça, pour moi, le salaryman, c'est aviateur. Ouais, d'accord. Pour moi, le salaryman, c'est aviateur. C'est le gars qui vit pour son travail et c'est un travail qui n'a pas de très grandes responsabilités en général. Bah, les salaryman, plutôt, il y en a justement. Enfin, dans ma conception, oui. Non. Même si c'est des responsabilités limitées. Le salaryman, ça peut être aussi le gars qui tient le quiche à la banque. Et ça, il y en a dans tous les quartiers, il y en a partout, il n'a pas une responsabilité monstrueuse. Mais les salaryman, je ne les mettrais pas aviateurs, personnellement. En fait, le problème, c'est qu'on a l'impression que le salaryman, c'est quelqu'un d'assez vivant, en fait. Tu vois, Adrien ? Alors que non. C'est quelqu'un d'agité, un peu comme une fourmi. Moi, quand on parle de salaryman, j'imagine un mec vivant comme une fourmi qui s'active. Il s'active de jour pour son travail. Salaryman, déjà, on est tous d'accord pour dire que c'est péjoratif. Oui. Ouais, ok. Voilà, et puis, il rentre chez lui. Et il travaille. Ah non, bah non. Parce qu'il rentre chez lui, il est épuisé, il dort. Il lit le journal et il dort, ouais. D'accord. Ou alors il travaille. Sachant que le vrai salaryman passe par buveur, se peinte la gueule en une heure et rentre chez lui après. Alors ouais, donc ça, voilà. Moi, en fait, ce qui apparaît, donc d'abord, en dehors du fait que ce soit la, entre guillemets, la vanité du jeu et de l'appât du gain et de l'argent facile, en fait, que symbolise ce fragment. Alors non. Les lumières, les paillettes. Businessman, c'est pas ça qui symbolise. Bah, en tout cas, pour moi, c'était ça. Non, c'est pas les paillettes. Hein. Businessman, ça va être l'homme qui croit avoir des très grandes responsabilités. Ah oui, je confonds avec le vanité. Tu confonds avec le vanité. Excuse-moi. Oui, tout à c'est fait. C'est l'homme qui se veut important. Qui dit, moi, je suis important. En fait, moi, je suis quelqu'un de grand et de. En fait, moi, je vais vous avouer franchement, j'ai énormément de mal à traiter ces fragments de façon séparée, en fait. Alors moi, c'est très facile pour moi. Alors que pour moi, en fait, ils sont vraiment imbriqués. Businessman, pour moi, c'est le milieu des affaires. Et vaniteux, c'est l'endroit de la presse, people. Tout à fait raison. Excuse-moi. C'est pas ça, ça se mélange difficilement. Carrément. Emmanuel, vous le businessman Vegas, vous l'avez ressenti comment en tant que joueur? Vous y êtes passé, vous y êtes pas passé et en tant que maître de jeu aussi, c'est-à-dire en tant que lectrice, comment tu sens le lieu, quoi? En tant que lectrice, je l'ai pas encore assez appréhendé, je pense. D'accord, ok. Non, on y est passé assez rapidement aussi, il faut dire. C'est pareil, quoi. Je me rappelle pas de ce qu'on a fait dedans, en fait, et c'est de ça qu'on parlait il y a quelques instants, c'est que je sais qu'on l'a fait, ouais. Mais je sais plus quoi. D'accord, ok. Bon. C'est pas. Mais en tout cas, merci de m'avoir rappelé. C'est vrai que lui, là, c'est plus le centre des affaires, le businessman. C'est ça. Et en fait, tout ce qui est côté paillettes. Oui, alors il est bien précisé qu'en fait, c'est une sorte de tour. Alors, je sais plus, je crois que c'est Cité Imperia ou un truc comme ça. Il y en a peut-être plusieurs. Et en fait, tout ce qui se passe dedans, en fait, n'a d'importance que dedans. Il va y avoir plein d'argent fictif, etc. Ils sont tous avec des papiers en train de les agiter. Ils sont tous en train de. Ils ont des teams de gens qui sont pour eux, qui se battent pour ça et tout. Mais en fait, tout ce qui se passe dedans ne reste que dans la tour. Tu vois, ça, c'est très intéressant. Alors, on revient sur cette idée de fragment dont on parlait au tout début, c'est-à-dire que chacun a l'impression d'être capital à la société et en fait tout est fragmenté et personne n'a d'influence sur les autres. C'est-à-dire que les influences économiques si, ils ont une influence. Ils boursicotent. En fait, ils croient avoir de l'importance. Ce qu'il y a, c'est qu'ils jouent avec quelque chose de fictif et ils ne savent pas ce qu'ils font derrière au final. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais, alors, moi, je crois que Flavie, quand elle a écrit le texte du businessman, ce qu'elle avait en tête, c'est l'idée qu'en fait la bourse, c'est un jeu d'argent. Ouais, oui. Moi c'était ça. C'est en plus je venais de voir un épisode de South Park. La vanité. Où tu sais, c'est la crise économique et il veut se faire rembourser, alors je sais plus c'est lequel, il veut se faire rembourser un truc que son père a acheté à crédit et en fait, il finit par aller à la bourse et quand il passe les portes, les gens ils sont avec un jet de dés. Et ils jettent le dé, ils font « Ah, nous allons pouvoir te rembourser, c'est bon ». Enfin, moi, j'avais vraiment cette idée-là quand je l'ai écrit. C'est des gens qui pensent que ce qu'ils font est important, mais en fait, vous faites de la merde, les gens, à la bourse. Quoi. D'accord, ok. D'ailleurs, ça se retrouve aussi parce qu'il me semble que dans ce fragment-là, il y a aussi les casinos, il me semble. Oui, oui, ils sont. Alors tout moi, c'est, je ne les ai pas mis parce que je ne trouvais pas que ça avait sa place là. Pour moi, c'est un truc qui est dans Vaniteux, ça. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on joue avec de l'argent, mais il y en a un où on se sent important. Et l'autre, on vient juste pour jouer. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, mais justement, moi, j'avais mis les casinos autour. Ils sont tous autour. Ça peut être juste à côté, mais pour moi, c'est pas le même fragment. C'est juste. Ouais, juste mais moi, j'aimais bien l'idée qu'en fait, il y a des gens qui viennent en néo-calèche pour jouer de l'argent. Et que juste à côté, il y a la bourse où on joue de l'argent. Mais non, c'est pas pareil. Tu vois, en fait, si, vous faites la même chose. Ouais, c'est ça. Attention, moi, je compte des étoiles. Mais, je suis quelqu'un de sérieux. Voilà, je suis quelqu'un de sérieux. Mais non, en fait, tu fais la même chose que dans un casino, mec. D'accord. Ok, c'est intéressant d'avoir vos visions et de voir un petit peu ce que vous mettez derrière chacun des fragments. D'ailleurs, le scénar que j'avais fait pour l'épreuve donc de businessman, il faudra que je l'écrive un jour, donc peut-être que bah oui, ça sera un jour sympa il sera de le mettre dispo sur le site. Ouais. Ouais. Parce comme que ça, je me mets la pression en le disant dans tout le monde. Non, puis c'est bien. Ça te motive, ça te pousse à le finir. C'est ça. Non, mais blague à part, en plus, je pense que ce serait vraiment bien que parce que ça ferait au moins un scénario si les gens, parce que les gens, globalement, ce qui ressort de Sens Mort, c'est que, ok, l'histoire, elle est bien, c'est agréable à lire, le lecteur, il est content, mais le maître de jeu, il a beaucoup de travail derrière. Ça, c'est, tu lis les critiques, c'est toujours ça qui ressort. Donc, si, par exemple, toi, tu te collais un scénar du businessman, sur le businessman, et que tu le mettais sur le site, ça permettrait, en fait, aux joueurs de venir, de récupérer le scénar du businessman et d'avoir un travail de moins à faire. Et donc, de décharger un petit peu. Oui, c'est ça. Donc, ça, ce serait vraiment cool, quoi. Donc, n'hésitez pas, même s'il y a des auditeurs qui aiment Sens Mort et qui se disent, tiens, moi, je peux avoir un scénario pour un fragment qui n'est pas développé dans le livre. Faut pas hésiter, quoi. Faut se lâcher. Le vaniteux. Le vaniteux, alors, les gars. Donc, du coup, là, c'est plus le paraître, j'ai l'impression. Ouais. Moi, c'est un des fragments que j'ai préféré écrire. Alors, Fly. J'y ai craché toute ma haine du journalisme. foncièrement. Ah bon ? Mais pourtant, là, tu sais que tu fais un travail. Enfin, pas. Oui, là, mais pas le, dans je ce parle pas du. Là, mais... Je parle du journalisme. Le journalisme dans ce qu'il a de plus vil. Et dans le plus vil, je trouve qu'il y a vraiment une combinaison. Très... Tu confonds le journalisme et la presse people, Fly. Ouais, mais je trouve que le journalisme, de plus en plus, c'est de la presse people. Je suis désolée, mais même au niveau de la politique. C'est au niveau de Hollande, François Hollande, on s'est plus intéressé au niveau de sa prise de pouvoir sur le tweet qu'avait fait sa nana plutôt que comment il prenait le pouvoir. Moi, je trouve qu'actuellement, il y a deux sortes de presse. Il y a une presse qui essaie encore de faire son travail et l'autre qui se laisse avoir par TF1. Et c'est ça que j'ai voulu dire quand j'ai vraiment tout le côté aussi. On va parler des sportifs. Les sportifs sont les nouveaux. Ils sont super fortunés. Les gladiateurs de temps moderne. Ouais. Et alors qu'en fait, c'est des sportifs. Là, c'est ta haine du football maintenant qui passe en football. Autant pas la haine du football en lui-même, la haine de tout ce système qui s'est mis en place où on va porter en héros des gens qui. Certes, on fait des bonnes choses, mais on fait juste leur boulot. Et en fait, la presse va tellement broder tout autour des choses qu'ils vont croire vraiment les héros qu'ils semblent être devenus. Alors qu'en fait, ce sont juste des êtres humains. Adrien. Alors moi, je pense que j'ai abordé le problème un peu différemment. C'est-à-dire qu'en fait, là où Flavie dit que le journaliste est coupable, moi je dis que c'est le public qui lit ce qui a été proposé. Ouais. Et donc pour moi, ce que j'ai attaqué quand j'ai développé ce que j'ai fait sur Vaniteux, ça a été sur le public. Ça a été vraiment le public qui est fou, le public qui fait n'importe quoi, le public. En fait, pour moi, mon scénar, ça a été autour d'un groupe d'artistes qui venaient de buveurs, qui ont réussi à s'en sortir parce qu'ils étaient très très bons. Ouais. Et ils se sont fait assassiner par le public parce qu'ils ont décidé d'arrêter leur carrière. Ils se sont fait tuer sur scène par le public. D'accord, ok. Ouais, c'est vachement intéressant. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le public. C'est le public qui arrive à en tuer les gens dont il est fan parce qu'il ne veut pas que ça s'arrête, parce qu'il en veut toujours plus. Non, en fait, je pense, vos deux visions sont vraiment complémentaires. C'est-à-dire que celle de Flavie, je pense que derrière la presse people... Les deux se montrent l'un l'autre, effectivement. Les gens qui dénoncent, ce n'est pas les gens qui vendent le papier. C'est les gens qui font qu'ils se vendent. Oui, et en fait, il y a les deux. Ça se vend parce que les gens l'achètent, mais les gens l'achètent parce qu'on essaye de leur faire miroiter mille merveilles. Et ce qui revient encore derrière ça, c'est la superficialité du truc. C'est-à-dire qu'au final, ce qui fait que Messi, c'est un héros, c'est parce qu'il shoote dans un ballon d'une façon extraordinaire. Ben, tu vois, c'est... Mais bon, en même temps, par exemple, si on prend le foot, le cas particulier du foot, c'est spécial parce qu'en fait, les gens y attachent des symboles, en fait. Ils représentent des villes. Ils représentent des nationalités. Ils représentent en fait des attaches culturelles en fait. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'ils sont portés au nu et si héroïques. Oui, mais en fait, c'est plus facile de s'intéresser à un truc un petit peu plus entre guillemets superficiel comme ça, parce que s'ils voulaient vraiment les gens, ils pourraient s'intéresser, parce qu'il se passe un peu ce genre de choses aussi, sauf qu'on tape pas dans un ballon, mais il y a des pays qui se parlent, qui essaient d'éviter des guerres, qui font des tables rondes pour essayer de voir ce qui se passe, et c'est tout aussi intéressant. Sauf que les gens préfèrent se concentrer sur le foot parce que c'est plus simple, plus rapide, plus séduisant. Oui, mais quelque part, moi je préfère qu'ils acclament leur équipe et qu'ils huent l'équipe adverse quand elle a perdu plutôt que faire ça en vrai, quoi. Enfin, sur son voisin, ouais. Bah, que ce soit faire la guerre ou que ce soit tout racisme ou quoi que ce soit. C'est un moyen de. C'est comme des gladiateurs, c'est un moyen d'épancher certaines pulsions humaines. Et, C'est de la catharsis en fait. C'est de la catharsis. Ouais. Ouais, c'est... Alors, le fragment du Vaniteux, vous l'avez vécu comment avec Aloïs? Vous avez fait un scénar là-dedans ou pas du tout, Emmanuel? Peut-être celui qu'on a le plus développé, non? Je sais pas. Oui, effectivement, on y a quand même un peu plus intervenu. Ah, c'est Buveur, ouais. Je pense surtout qu'on a. Mais Buveur le plus, oui. Mais côté Vaniteux, moi je l'ai plus senti effectivement comme des gens qui essayaient de se mettre en avant et des médias qui leur permettaient que comme une foule qui est acteur en fait. Manipulée par les médias plus que... La foule est manipulée par les médias plus que la foule manipule les médias. Exactement. C'est une foule qui reçoit finalement, qui est totalement submergée, plutôt qu'une foule qui est en demande et en attente. Tu ne trouves pas que ça revient un peu, Emmanuel, au truc de l'œuf et de la poule, en fait? C'est totalement ça. Hein. C'est qu'en fait, c'est, dans les deux cas, c'est le même processus qu'on condamne. C'est le fait que les gens s'intéressent plus à savoir si Demi Moore a de la cellulite, qu'à savoir si... C'est ça le concept, okay, en fait, de Voici et de Gala. C'est de dire, voilà, ce qui nous intéresse, c'est comment est-ce que François Hollande et Valérie Trierweiler considèrent leur relation amoureuse plus que ce qui est important pour l'État et pour le pays, à savoir les décisions qu'il va prendre, qu'elles soient politiques ou au niveau de la fonction d'État, de la fonction publique, et ce genre de choses. C'est la superficialité du truc qui revient encore une fois, quoi. Oui, mais finalement, quand on dit ça, on déresponsabilise un peu le journaliste ou la presse people, ou au sens où malgré finalement, tout, c'est lui qui actionne la manette. Bah oui, et puis c'est lui qui arriverait le plus facilement à tirer vers le haut. Pour une foule, c'est difficile de changer totalement de médias et d'accéder à d'autres médias parce que finalement, on n'a pas beaucoup le choix. Quand on allume la télé, je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des chaînes qui valent mieux que d'autres. Il y a plusieurs chaînes, tu peux toujours choisir. Quand tu vas au bureau de tabac, tu peux choisir d'acheter Voici ou d'acheter Le Monde ou d'acheter Le Figaro ou d'acheter Paris Match. Oui, mais finalement, on se rend compte que quelque part, au niveau du Monde, c'est un média parmi d'autres, mais j'ai l'impression que même là, il y a des choses qui tirent vers le bas plutôt que des choses qui tirent vers le haut. Ça se voit notamment, je pense, dès qu'on passe sur la presse sur Internet, en fait, notamment les commentaires, ce genre de choses où on voit que finalement ça tire vers le bas, alors que ce serait le boulot des journalistes de tirer vers le haut et que c'est beaucoup plus facile de tirer vers le haut quand on a un levier d'action, comme tu disais, que de faire changer toute une foule. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, les deux ont une part de responsabilité. Oui, c'est la poule et l'œuf. Les deux sont liés, les deux s'entretiennent mutuellement. Et dans le fragment, à mon avis, dans le fragment du vaniteux, chercher un ordre privilégié à ça, c'est pas une bonne problématique. Savoir qui est effectivement qui de la foule ou du journaliste est le plus responsable. Je crois qu'ils sont tous coupables, en fait. Mais tous, quoi. Cela dit, quand on regarde le quadrilla qui garde le fragment, on voit que l'accent est mis sur le journaliste, parce qu'au final, enfin, en tout cas, sur l'artiste qui se montre plus que sur la foule, en fait. Parce que le fragment, le vaniteux, finalement, le quadrilla n'est pas un membre du public. Oui, il est l'acteur. Bien sûr. Donc, ce qui donne raison à Emmanuel indirectement. Le fond de mon scénario, ça a été le public horrible, le public affreux, mais la personne par laquelle le scénario se résout, c'est une journaliste qui a pas à l'origine de ça, mais qui a... Enfin non, c'est pas une journaliste, c'est la personne qui a découvert ce talent, qui est à l'origine de leur de ce qui leur est arrivé, qui se sent coupable, c'est un impresario, et qui du coup va vivre sa culpabilité, et c'est à travers elle qu'ils vont pouvoir rencontrer le quadrilla. Mais là, ce qui me marque encore, c'est l'oubli en fait, de sa propre personnalité, de sa propre authenticité, au profit de quelque chose. Là, en l'occurrence, pour le vaniteux, c'est au profit du public et de l'appréciation du public. En fait, peu importe que j'ai tort ou raison, ce qui compte, c'est le nombre de personnes qui m'applaudissent. Même si je dois dire des horreurs, tant que je suis applaudi, tout va bien au vaniteux, quoi. Et donc, du coup, tu oublies qui tu es toi-même, l'authenticité, en fait, de ta personnalité, de ta nature, au profit des applaudissements et des retours sur investissement, etc. Moi, c'est ça vraiment que je voulais dire, en tout cas, à travers le fragment du vaniteux. Et Fly, toi, comment tu l'as... Moi, quand je l'ai fait jouer, je l'ai fait jouer de façon un peu burlesque. À savoir, quand tu arrivais, en fait, avec l'équipe des Bucks, je ne sais pas si tu t'en rappelles, parce que tu as fait ce scénar-là, toi. Il y a des hordes de journalistes qui courent quand il s'est passé quelque chose vers un sportif et qui se mettent autour du sportif. Et en fait, le but, c'est de faire un peu presque courir des rumeurs. Puisque dès que tu dis quelque chose, en fait, tu as 10 oreilles qui se tendent vers toi. Au cas où tu pourrais dire un scoop, tu te dis, je vais aller aux toilettes. Qui tu es? Est-ce que c'est important que tu ailles aux toilettes? Donc, c'est facile de faire courir des rumeurs. J'ai entendu dire que machin faisait ça. Et tu as 10 journalistes qui vont aller vérifier l'info. Et au final, c'est facile aussi pour mettre en place une enquête, puisque tu peux t'arranger pour que des fouilles merdes sous une fausse rumeur fassent ton enquête pour toi. Et c'est comme ça qu'on l'avait fait jouer. Ça me fait penser en fait à une vision très cartoon, je trouve, du fragment du vaniteux. On a l'impression, vous savez, comme dans ces cartoons, enfin comme dans ces dessins animés, ces vieux dessins animés où on voit une foule qui court, on voit que de la fumée. Et les gens, en fait, se dirigent des sportifs à d'autres, en fait, comme ça, comme une espèce de foule. Ah quoi, il a dit qu'il allait se muscler davantage le bras droit. Vite, allons-y, allons voir. Et tac, tout le monde court vers le gars et tout. Oui, alors il paraît que vous allez vous muscler le bras droit, etc. Et l'autre regarde un peu sur son estrade, tout seul, du coup, il n'y a plus de journaliste autour de lui. Il dit, oui, mais moi, je vais me muscler le bras gauche. Oh mon Dieu, il a dit qu'il allait se muscler. Hop, tac, et tout le monde change d'oreille. Et voilà, c'est comme ça que je le voyais. Et du coup, pour faire le scénar, je sais plus lequel d'entre vous. Je pense que c'est Fanch. Fanch avait dit, vous savez, je crois que tel joueur va aller à tel endroit cette nuit pour se muscler. L'idée, c'était de manipuler la presse. Et en fait, la presse est allée, il avait dit ça juste à une journaliste, et la journaliste y est allée, elle est revenue, fait, mais j'ai trouvé que des bouts de viande là-bas, il était nul ton tuyau, et du coup, les joueurs, ils avaient l'endroit où aller, quoi. Le fragment du vaniteux, il me fait aussi penser, tu sais, à ce court-métrage de Pixar. Où il y a les deux hommes orchestres qui se battent pour la pièce de la petite fille. Ah bon, il y a plein de trucs. Mais en tout cas, ce qui revient, c'est souvent ce manque d'authenticité, quoi. Le fait que les gens se perdent pour des raisons qui sont soit superficielles, soit pour des raisons d'être à meilleur service, etc. Le buveur, le dernier, est à mon avis le plus important. Moi, je sais pas pour vous. Le dernier de cette partie, absolument. Mais, oui, tout à fait. Et non, le dernier du podcast, parce qu'il est déjà 1h03, on a déjà 1h03 de podcast. Ah, effectivement. Donc voilà, donc il faut qu'on va faire. Il va être l'heure de goûter. Voilà, il va être l'heure de goûter, exactement. Et nous, on est réglés comme des horloges ici, oui, hein. Tout à fait. Et donc, le buveur qui, pour moi, est le fragment. C'est le fragment dans lequel les personnages passent le plus de temps. Ouais. Ouais. T'es d'accord avec En fait, pour moi, systématiquement, dans quasiment tous mes scénarios, c'était un truc qui est dirigé par quelqu'un de roi. Qui a un impact sur les gens de buveurs. C'était quasiment le contenu de tous mes scénarios. Ça va être des gens de buveurs qui se font vendre des produits à la con, ça va être des gens de buveurs qui se font qui se vendent en esclaves les uns les autres, ça va être des gens de buveurs qui se retrouvent à enfin voilà, systématiquement c'est des gens de buveurs qui se prennent des trucs plein la gueule quoi. Alors pourquoi ? Est-ce que tu as une idée du pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est le fragment central ? C'est le fragment des victimes, c'est le fragment des gens qui n'ont pas de bol, c'est le fragment des gens qui ont tout perdu, c'est le fragment en fait qui va subir tout le poids de la société. Ouais. Mais c'est Vas-y, Fly, tu voulais dire quelque chose ? Ça, ce que tu viens de dire, pour moi, c'est juste une partie de buveur. Je pense que dans une autre partie des gens de buveurs, il y a aussi des gens qui méritent d'être là, quoi. Ah oui, bien sûr, il y a le cynisme. Et, et du coup, je pense que c'est un des endroits aussi les plus intéressants parce que tu peux y trouver tous les gens que tu dois sauver et aussi tous les gens qui sont la lie de l'humanité. Ouais. Et il faut savoir faire un ménage quand tu vas là-bas, quoi. Aloïs ? Je rajouterais une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui choisissent d'être là. Ouais, c'est ce que dit Fly, je crois. Ceux qui sont la là. Lie de l'humanité. Non, mais ce que veut dire Fly, c'est qu'il y a des gens qui choisissent d'être buveurs parce que c'est plus facile. C'est plus facile de boire et de trinquer dans le cynisme. À choisir par opposition, en fait. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça, mais je trouve que c'est pas mal d'avoir cet espoir qu'il y ait des gens qui choisissent d'aller à buveurs parce qu'ils refusent le reste du système. Ouais, mais d'accord. D'accord. Mais c'est marrant, moi j'ai l'impression que, en tout cas, parmi les gens que je fréquente, beaucoup de personnes sont des buveurs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont nihilistes et qui préfèrent faire la fête. La festocratie. C'est, je ne sais pas si vous connaissez le livre de, je crois qu'il s'appelle Muret, le gars qui... comment ça s'appelle déjà ? Désaccord parfait. Et donc c'est un mec qui dit qu'en fait, grosso modo, la société est organisée autour de la fête. Et que le but, c'est de faire la fête, quoi. Et tout est là pour fêter. On fête toujours quelque chose, quoi. Pour, justement, oublier, en fait, les problématiques existentielles, pour oublier son authenticité, etc. Et je trouve ça intéressant. Et moi, pour moi, le buveur, c'est aussi un endroit où on fait la fête. Mais au sens, bon, ok, c'est crado, c'est des clochards, mais on s'en fout parce que demain il y aura une fête et ça, ce sera cool. On va boire, on va trinquer tous ensemble et il y a ça aussi, cet aspect-là aussi, quoi. C'est aussi l'endroit de la trahison, je dirais, l'endroit où on est prêt à tout pour se refaire. Ouais. Pour retourner dans l'endroit d'où on estime n'aurait jamais dû devoir, on estime qu'on n'aurait jamais dû partir. Par exemple, là, on est un ancien comte de Varia, mais on a tout perdu au jeu, par exemple, et on est là, on est prêt à tout pour avoir un sou, pour retourner au casino et pour pouvoir refaire sa chance. C'est le côté, c'est pas dans un fauteuil pour deux ou dans le prince de Beverly Hills. Où il donne sa pièce à deux clochards et les deux clochards qui sont en fait des anciens de la City font c'est reparti parce qu'ils ont une pièce. J'aimerais bien, c'est un prince à New York et ça fait référence à un film qu'avait fait Eddie Murphy avant. Voilà, c'est ça. Ouais. Où il était pauvre et il se faisait deux mecs hyper riches et il leur piquait leur fortune. Voilà, c'est ça. Et voilà, en fait, on est dans le grand film, le grand cinéma. Il leur file un sou et les deux autres ils sont là, mais c'est reparti parce qu'ils ont une thune, ils vont pouvoir faire fructifier le truc et. Ouais, il y a aussi ce petit côté-là chez le buveur. Mais moi, ce que je trouve surtout, c'est que, en fait, c'est les seules victimes de Séléné. Et donc, comme disait Fred, alors c'est les seules victimes qui n'en sont pas, qui ne sont pas volontaires. Parce qu'en fait, pour moi, les gens d'Aviator sont des victimes de la société. C'est des gens qui s'épuisent dans le travail, mais eux ne se voient pas victimes. Alors là, moi, j'ai envie que tu me définisses ce que c'est qu'une victime involontaire. Hein. Tous les Sélénites sont des victimes. Une victime volontaire, pardon. Ouais. Oui, alors pour moi, les gens d'Aviateur sont des victimes dans le sens où personne n'en vit leur vie. Eux-mêmes, entre eux, n'en vivent pas la vie de leurs voisins, mais ils ne se rendent pas compte qu'en fait, eux-mêmes vivent cette vie-là. Mais en fait, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Réverbère, je suis d'accord, moi, avec ce qu'il a dit à Louis. Tous les Sélénites sont des victimes, en partie. Quoi, de la société. Ouais. Mais non, c'est eux les pauvres merdes. C'est à eux de se réveiller, c'est pas à la société de changer. Ouais, mais si on t'a jamais appris que tu pouvais te réveiller, comment tu fais pour le faire ? Les bugs, ils sont là pour t'aider. Mais enfin voilà, tu te bouges le cul. Enfin, tout le monde a conscience de son aspect zombie en fait. Tout le monde sait que quand tu prends ta souris et que tu vas jouer à World of Warcraft alors que par exemple t'as du pain sur la planche. Ou que tu as un livre à écrire, par exemple, que certaines personnes attendent avec impatience. Tu dois faire du clic-clic-clic avec du magic. Quand tu fais du clic-clic-clic ou des trucs comme ça, tu sais très bien ce que tu fais. Tu sais que tu es en train de t'oublier, tu sais que tu es en train d'oublier le truc que tu dois faire et tout. Tu le sais. Tout le monde a conscience de ses travers, de ses petits défauts. Sauf que certains sombrent dedans, alors que d'autres font autre chose. Ils sont victimes de l'obscurantisme de Miphos et de l'Omicron en général, mais ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, ça fait... Non, mais ça... Oh, mais c'est facile de dire, la société, elle est pourrie, c'est toi qui es pourri. Ça fait des siècles que c'est comme ça, pour eux, c'est pas facile de changer. Je veux dire, la société dans laquelle on est, tu vis dedans sans problème, t'as peut-être envie de la changer, mais tu le fais pas à l'heure actuelle, t'es pas en train de faire de la politique pour la changer parce qu'elle te plaît pas. Moi, en ce moment ? Non, mais attends. T'es pas tout en haut, je veux dire. Non, mais si, là, je fais de la politique, là. Je fais un podcast les semaines sur le jeu de rôle, c'est de la politique. Oui, la vie de la cité, c'est pas uniquement Trierweiler et François Hollande. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, hein. Pour moi, les affaires de tout concerne la politique. Ouais. Voilà, c'est pour moi, c'est déjà, c'est déjà quelque chose. On n'est pas dans les hautes sphères à modifier les choses. Donc chacun peut essayer de faire ça à son échelle, certes, et aucun d'eux n'essaie de le faire. Mais c'est pas parce qu'ils le veulent, enfin, c'est pas parce qu'ils le veulent pas. Bon, il y en a potentiellement qui veulent sortir de leur merde, notamment un buveur. Mais c'est parce qu'ils peuvent pas, peut-être. Pour moi, c'est ça la différence. C'est que dans Aviateur, ils vont pas vouloir sortir de leur merde parce qu'ils se rendent pas compte. Tandis que dans Buveur, ils savent qu'ils sont tout en bas. Ils veulent sortir, mais ils ne peuvent pas. Pour moi, c'est ça la différence majeure entre Buveur et Aviateur. Pour moi, les vraies victimes sur la Lune, entre guillemets, c'est quand même les réverbères. C'est l'esclavagisme quand même. En plus, je pense que vous n'allez pas être d'accord avec Adrien sur Réverbère, parce que vu qu'il a, en gros, Aviateur, Réverbère, je crois que Adrien, en fait, sur Aviateur, il a reporté beaucoup de trucs qui appartiennent à d'autres fragments. On en parlera peut-être dans une prochaine fois, enfin, dans la prochaine partie du podcast. Emmanuel, juste tu n'as pas du tout parlé sur Buveur? Ouais, alors juste là ce qu'a dit Adrien, pour moi c'est tout à fait vrai, c'est que effectivement, donc je pars du principe que ce sont tous des victimes, mais que par contre sur la plupart des fragments, il y a un voilage de face qui fonctionne bien, puisqu'il y a un plaisir immédiat finalement qu'à retrouver dans leur mode de vie. Ouais, c'est ça. Alors que sur Buveur, effectivement, il y a même plus vraiment ce plaisir-là, parce qu'on atteint une déchéance qui est quand même assez impressionnante. Ouais, Alexis va dire que peut-être oui, effectivement, il y en a qui se complaisent dans ça, mais bon, voilà, c'est une petite partie. Ouais. Bah, j'allais dire qu'en fait, la Lune, c'est peut-être une métaphore de l'hédonisme dégénéré. En fait. C'est les gens, ils ont, il y a un truc qui leur plaît dans la vie, qui leur fait plaisir, et ils font que ça. Le reste, ils connaissent plus. Ils ont oublié leur personnalité dans cette chose qui leur permet de s'oublier. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Ils se sont enfermés dans leur couronne. Mais moi, je pense aussi que le buveur, si ça nous parle, c'est parce que quelque part, on est plus concerné par ça que toi. Tu es membre de la City à Londres. Non. Est-ce que t'es un roi? Est-ce que t'as le pouvoir politique? Non, par contre, je me sens plus proche d'un aviateur zombie qui va au boulot tous les jours. Ouais, d'accord, ok. Mais t'as fait vachement porter de choses à l'aviateur. Bah oui, je sais. Mais c'est bien, tant mieux. Hein, et pour moi, à l'aviateur, c'est le quartier le plus gros. En fait, c'est le quartier qui peut prendre le plus de surface. C'est pas faux en plus. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le buveur, c'est que c'est aussi l'endroit pour moi où les bugs ils vont avoir le plus d'interactions faciles avec les gens. C'est-à-dire dans les taudis, ils viennent des taudis du pôle sud, il y a des taudis là, je veux dire. Exact. C'est l'endroit où les bugs ils vont pouvoir avoir une interaction avec des gens qu'ils vont comprendre. Exact. Nous aussi, on est pauvres, nous aussi, on a crevé la dalle, et nous, on vous comprend, et nous, on va vous aider, et vous allez pouvoir nous aider. C'est l'endroit où ils peuvent se faire des potes, c'est l'endroit où ils peuvent se cacher, l'endroit où ils peuvent créer un début de révolution. Moi, en tant que breton, je me sens proche des buveurs, en fait. Non, mais voilà, c'est... T'es pas breton, t'es malouin. Ouais, d'accord, excuse-moi. C'est pire. Hein. Ouais, c'est... les malouins, ils sont d'abord malouins avant d'être bretons. Ouais. Enfin, bon. Voilà, en tout cas, ouais, bravo. Je pense que là, tu marques un point essentiel. C'est vrai que c'est aussi des personnages, des buveurs dont les bugs se sentent les plus proches, en fait. Et puis, c'est aussi eux qui ont les besoins les plus simples à assouvir. Ouais. C'est les plus faciles, en fait, guérir, entre guillemets. Ouais. Et du coup, c'est aussi ceux qui ont la condition la plus horrible. Et du coup, c'est là aussi où les bugs se sentent beaucoup investis. Ah non, je trouve que Réverbère, c'est quand même vachement pire. Parce que Réverbère, à nouveau, ils vont que très tard. Donc, on verra ça la prochaine fois. Ouais. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que par rapport aux buveurs, je rejoins Adrien sur le fait que c'est facile de soulever des gens qui souffrent, en fait. Tu peux les faire soulever facilement, et donc les bugs aussi se disent putain, c'est peut-être plus facile, c'est peut-être une armée plus facile à lever que c'est sûr que des gens qui sont instruits mais en fait perdus dans leur jeu de hasard et trucs comme ça. Enfin, c'est peut-être ça. Bon, en tout cas, j'ai l'impression que ce podcast s'appelle le Réverbère. Mais nous, on va vous laisser attendre le mois prochain pour voir la suite. Nous, on l'enregistre tout de suite, direct. Allez, à bientôt tout le monde, salut. Salut. Salut. Salut. Salut.